aussi ça me sent bizarre. J'ai l'impression que je tourne en rond dans le brouillard. Parle pas sur nous, nous on est des vrais débrouillards. Elle t'a quitté depuis ce jour-là, je suis plus sous l'art. Nos cœurs sont sombres, ça sent la merde dans nos couloirs. Apparemment, je prends l'ampleur, on sait plus la même dans le secteur. Je sais que tu vois ce que je deviens, mais bon c'est plus là pour toi ça quelqu'un. Une petite bête de loup boutin, le rap s'appelle, là je me permets. Je peux voir pire à ta mère quand pour ton amigo, j'ai pas le permis. Avant j'avais beaucoup d'amis, aujourd'hui c'est le contraire, j'ai beaucoup trop d'amis. Avant j'avais beaucoup d'ennemis, aujourd'hui c'est le contraire, j'ai beaucoup trop d'amis. Seul ennemi, en Azix, j'suis pas loin du Hazik. Dans la lobe, j'suis les wills, j'enchaîne les lits. Un verre, deux verres, seul je j'suis dans le délire. Seul ennemi, en Azix, j'suis pas loin du Hazik. Dans la lobe, j'suis les wills, et j'enchaîne les délits. Mais j'ai jeté mes croyants pour devenir connu comme tout fâche à quoi ma master fan. Pas trop rap conscient, moi j'aime pas trop faire la morale. Des keufs qui tuent en bas de chez nous, vous trouvez ça normal? Et j'écris ça, j'suis pas, j'portais pas pour les seuls. Et au final, au comico, bah moi j'assume ça. Vu que mes potes c'était des putes, pas le million, je me fais très seul. Vu que papa est parti, maman a dû nous élever sale. La juge s'en bat les couilles, elle voit même pas ça du même œil. La juge s'en bat les couilles, elle me regarde même pas du coin de l'œil. T-shirt à 500 boules, mais j'serais tout nu dans mon cercueil. Ils nous comparent à des singes, donc chez nous c'est la jungle. T'enfermes un peu ta gueule, je connais rien de nos vies. Chaque jour mon but de putain de vie, c'est de rester en vie. Ma mère se lève le dos cassé, quand j'en ai plus envie. J'suis tous les jours posté, mon frère je dors plus de la nuit. J'fais mes sous, j'suis dans les jazz, mais c'est pas ça la vie. Minute 35, c'est un peu sombre, y'a des zombies en ville. Sur les nerfs, en fin de journée, j'm'embrouille souvent en île. J'rêve de Bora Bora, de m'barrer sur une île. J'viens du 6-9, c'est pas tout rose, ça ressemble à Tchernobyl. Un rêve de gosse, vite rattrapé, j'rêve d'une batte mobile. Et j'ai